Bonjour à tous et à toutes, enchanté, je m'appelle Xavier, bienvenue sur le podcast de la connaissance, de la réflexion sur notre société actuelle ou encore des petits souvenirs de jeunesse. Mais avant d'aller plus loin, nous allons commencer par une petite citation. Au début du 19e siècle, le politologue et historien François Guizot a dit « Le monde appartient aux optimistes, les pessimistes sont simplement des spectateurs ». Dans le prolongement de cette citation, nous allons donc essayer de voir dans ce podcast si l'optimisme est vraiment indispensable pour réussir dans sa vie. Pourquoi est-ce que nous avons tendance à voir le verre à moitié vide et non pas à moitié plein? Quels sont les obstacles que l'on peut rencontrer tout au long de notre vie et qui peut nous amener à être plus ou moins négatifs? Quels sont les moyens que l'on a à notre disposition pour pouvoir y remédier? Et nous allons voir comment ou pourquoi est-ce que les personnes optimistes ont plus de chances d'être heureuses dans l'avenir, contrairement aux personnes pessimistes. Et donc le podcast commence maintenant. Depuis à peu près un an, en France et un petit peu partout à travers le monde, il y a quand même une énorme crise sanitaire. Et en cette période de confinement ou de couvre-feu, on a donc relativement tendance à se couper du monde extérieur. C'est une période qui est très compliquée pour pouvoir réussir à donner un sens à sa vie. À partir du moment où les contacts envers autrui sont vraiment beaucoup plus diminués, on a un petit peu tendance à se retrouver enfermé sur nous-mêmes. On peut avoir un cercle familial qui se restreint, ou alors on a un petit peu tendance à se retrouver enfermé avec les mêmes personnes, que ce soit les parents, le conjoint ou les enfants. Et en cela, c'est assez compliqué de pouvoir se projeter dans l'avenir. Essayer, tant que c'est possible, de pouvoir voir ou entrevoir le bout du tunnel. Pour réussir à être bien, apaisé et être en adéquation avec les choses que l'on veut mettre en place pour pouvoir réussir à donner un sens à sa vie. Donc, pour commencer simplement, pour essayer de comprendre les bases par rapport à tout ce qui peut nous entourer, nous allons essayer de voir quelles raisons nous ont amené ou peuvent nous amener à être pessimistes par rapport à nous-mêmes et par rapport à ce qui nous entoure. On va déjà, dans un premier temps, essayer de prendre du recul. Essayer de voir, en global, quels sont les domaines qui peuvent nous amener à être pessimistes. Il peut y avoir la peur, la solitude, la méfiance, ou alors l'incompréhension, voire même l'injustice. La peur pourrait se traduire par étant la peur pour nous-mêmes sur l'avenir. Qu'est-ce que l'on va devenir plus tard? Ça peut être aussi la peur des personnes qui nous sont chères. Ça peut être le conjoint, la conjointe, les enfants, les parents. Tout ça, globalisé, peut nous faire un blocage. Il peut aussi y avoir la peur de perdre son emploi. Aussi bien la peur de perdre son emploi que le fait de se poser la question si on est fait pour pouvoir continuer cela, pour pouvoir continuer ce travail. Il peut aussi y avoir la solitude. Il n'y a peut-être rien de pire que, lorsque l'on est tout juste séparé, devoir se retrouver dans un logement seul. Des fois avec des enfants, pour les personnes qui en ont, et devoir s'occuper d'eux dans un espace qui est aussi moins réduit que ce qu'il y avait auparavant. Il n'y a plus cette compagnie de l'autre. Il y a aussi la solitude par rapport aux personnes qui n'arrivent pas à se créer un cercle social, qui n'arrivent pas à avoir d'amis, ou qui n'arrivent pas à avoir des accroches avec les personnes au travail, ou même les personnes qui ont des problèmes avec la famille, et où tout cela les a amenés à devoir se reculer pour des injustices. Il peut aussi y avoir dans le cadre de la méfiance le regard des autres envers soi-même. L'influence de la société, le fait que chaque personne ait sa propre personnalité et a la fâcheuse manie, ou alors la fâcheuse tendance, à pouvoir juger ou alors inspecter la personne qui est en face de lui ou d'elle pour des choses qui sont totalement abstraites, que ce soit sur le physique, sur la mentalité, sur la couleur de peau et autres. Tous les domaines plus ou moins physiques peuvent être touchés et critiqués par des personnes autres. il y a aussi le domaine de l'incompréhension ou alors de l'injustice. Si on prend du recul, l'incompréhension et la justice sont quand même deux domaines qui sont assez proches l'un de l'autre, vu que sur le principe, c'est toujours par rapport à notre propre vision, par rapport à notre éducation, par rapport à ce que l'on a vécu, qui nous projette une certaine image de ce qui peut nous paraître juste et injuste. On peut prendre, par exemple, dans le cadre professionnel, pourquoi est-ce qu'il y a de telles différences entre les salaires des hommes et les salaires des femmes ? Pourquoi est-ce que, sous certaines pressions sociales, il y a certaines personnes, certains employés, qui peuvent tomber en burn-out, ça veut dire le surplus de travail, et en bore-out, ce sont les personnes qui sont mises dites au placard, et qui sont reculées, et qui ont leur morale qui descend, parce que lui ou elle n'a rien à faire. Pourquoi est-ce que lorsqu'on regarde quelques affaires dans certains tribunaux, est-ce qu'il peut y avoir des traitements de faveur ou des injustices par rapport à des faits ou des méfaits qui ont été commis et en fonction des personnes, de l'âge, de l'ancienneté, de tout ce que l'on veut, le prorata ou le résultat n'est pas le même à la fin. Peut-être que l'on peut essayer d'avoir la vision de certaines injustices. Pourquoi est-ce que lorsqu'il y a deux personnes qui font quelque chose pour une troisième personne, la troisième personne aura peut-être tendance à privilégier l'un des deux premiers, mais peut-être pas les deux directement. Mais on peut aussi rajouter comme catégorie certains pessimismes qui peuvent être amenés par rapport à des difficultés sociales. Si on regarde un petit peu autour de nous, il y a certaines personnes qui ont la faculté de pouvoir critiquer, donc comme on avait dit un petit peu auparavant, très facilement. Mais il y a aussi un regard que les personnes autres peuvent projeter sur nous. On va prendre un exemple qui sera très simple. Un père ou une mère qui est seul, dans la rue, dans un magasin, où l'on veut. Son enfant, très jeune, crie. Toutes les personnes qui sont autour auront tendance à critiquer, faire des messes basses, penser énormément de trucs négatifs, c'est un mauvais parent, il fait mal son boulot, il ne sait pas éduquer son enfant. Les difficultés sociales peuvent être aussi amenées par rapport à ce que l'on a connu auparavant, ce que l'on a connu ou l'on a fait, les erreurs que l'on a commises, les erreurs que l'on a faites, qui font ce que l'on est devenu aujourd'hui de nos jours, avec tout le côté négatif et tout le côté positif. Et bizarrement, beaucoup de personnes extérieures, que ce soit famille, amis, collègues ou autres, peuvent avoir tendance à mettre en avant tout ce que l'on a connu avant, tout ce que l'on a fait auparavant, en disant c'était bien à ce moment-là ou c'était mal à ce moment-là, mais pas obligatoirement se projeter dans l'avenir. Beaucoup de personnes ou d'entités extérieures ont la fâcheuse manie de pouvoir nous ramener des choses sur le passé et moins vivre et nous booster pour l'instant sur le moment présent. Tout cela peut nous amener à être très très peureux ou pessimistes ou alors avoir énormément d'appréhension par rapport à l'avenir, par rapport à ce que nous sommes, par rapport à notre être intérieur, et peut-être que l'on peut se poser beaucoup de questions dans un environnement comme celui-là. Qu'est-ce que j'ai fait auparavant? Où est-ce que j'en suis maintenant? Qui est-ce que je suis? Quel avenir se dessine à moi? Quel avenir s'ouvre à moi? Et comment est-ce que je serai plus tard? Et donc, dans une seconde partie, nous allons essayer de prendre de la hauteur sur l'instant présent. Nous allons essayer d'avoir ou de capturer les clés que l'on peut essayer d'avoir en approche à nos côtés pour être bien par rapport à nos envies, par rapport à nos motivations, par rapport à ce que l'on souhaite, mais pas en surface, vraiment à l'intérieur, au plus profond de nous. Mais avant d'entamer cette seconde partie, nous allons nous faire une petite pause musicale. Ça y est, on l'a trouvé, le tout dernier représentant des foyers, des bien contents, des bien chantants, le tout dernier. à voir la vie du bon côté, à croire en la fraternité, en la beauté. Le survivant de cette race de vivants éteinte depuis plus longtemps que le printemps. Un optimiste, un étranger, un espérant, quelqu'un qui chante, la vie est belle. Fallait surtout pas lui laisser la liberté de leur raconter que demain tout irait bien. L'espoir était une maladie qu'ils pourraient malgré leur vaccin avoir aussi. L'épidémie pourrait alors se propager. Le bonheur aime voyager pour voyager. C'est contagieux. Un optimiste, c'est dangereux. Quelqu'un qui chante, la vie est belle. Il y aura toujours des raisons pour croire à l'amour et au soleil. Quelqu'un qui chante la vérité. On l'a jugé, livré à la chaise atomique, un hérétique, ça doit être exterminé. Fallait le voir, dire au revoir aux grands fleurs, à la lumière, dans le petit matin d'hier. Ils étaient mille, et quand il a chanté pour eux, cet imbécile, il avait presque l'air heureux. Ce matin-là, les optimistes étaient nombreux. Ceux qui chantent, la vie est belle. Il y aura toujours des raisons pour croire à l'amour et au soleil. Écoute, ils chantent. La vérité, c'est beau de rire, beau de souffrir, beau d'exister. Et moi, je chante, la vie. Et voilà, sur cette petite note d'espérance, nous venons d'écouter le groupe des années 60 qui s'appelle Les Compagnons de la Chanson, avec une chanson qui s'appelle simplement L'Optimiste. Donc, pour commencer cette seconde partie, nous allons essayer de prendre du recul, nous allons essayer de prendre de la hauteur par rapport à la situation actuelle, par rapport à ce que l'on vit. Chacun de nous, tout au long de notre vie, on traverse toujours des périodes de doute, de questionnement, par rapport à ce que l'on est et par rapport à qui l'on est. Et le problème, c'est que plus on avance en âge, plus cet optimisme diminue au fur et à mesure où le temps passe. En 2019, à l'université de Boston, la chercheuse Lewina Lee a fait un sondage et a fait des tests sur des infirmiers et des vétérans américains. Elle a répertorié ce groupe-là de personnes en deux catégories. Les personnes qui vont de 18 à 80 ans et une autre catégorie avec les 80 ans et plus. Et par rapport à ces deux catégories-là, elle a voulu analyser, essayer de comprendre la philosophie de vie et la façon de penser plus ou moins positivement ou alors négativement de ces personnes-là par rapport à leurs circonstances de vie. Elle a interféré par rapport à leur parcours professionnel, leur parcours personnel, les contraintes de la vie, les consommations d'alcool, les consommations de tabac, les problèmes de santé et même simplement les modes de vie d'une manière globale. Elle a donc analysé ces personnes avec comme dispositif 7000 infirmiers et infirmières et 1429 vétérans de la guerre. Et donc le résultat est le suivant. Pour les personnes de 18 à 80 ans, et c'est réellement toutes tranches d'âge confondues, elle a donc déterminé qu'il y avait 15% des femmes qui avaient une approche négative et pessimiste de leur vie et de leur vécu. Et chez les hommes, il y en avait 11%. Cela veut donc dire qu'il reste entre 85 et 90% de personnes qui arrivaient à trouver un côté positif à ce qu'ils avaient vécu. Sauf que si on va sur la tranche qui est au-dessus, pour les personnes qui ont 80 ans et plus, il y a 50% des femmes qui ont connu justement soit la guerre, soit le milieu médical, qui ont une approche très négative et très pessimiste par rapport à leur vie. Et pour les hommes, ça peut même aller jusqu'à 80%. Donc, ça veut dire qu'il faut prendre en corrélation le fait que ces personnes-là ont aussi un vécu professionnel et personnel qui est tellement lourd où ils ont obligatoirement un regard qui est très négatif et très pessimiste par rapport à tout ce qui peut les entourer. Et bien sûr, ce qui est logique, c'est que cela impacte leur soi, leur façon d'être, leur façon de vivre et leur peur par rapport à l'avenir. Donc, si on se base sur ces statistiques, mais sur un public qui est quand même assez précis par rapport à leur vécu, on peut essayer de trouver une corrélation ou alors un lien pour essayer d'étendre ça sur le côté global par rapport à notre société actuelle. Il faut peut-être essayer d'inverser cette tendance en essayant de voir les moyens que l'on peut avoir à notre disposition pour détourner ce genre de statistiques. Comment est-ce que l'on peut remédier à cela ? Il y a justement dans notre société actuelle plusieurs moyens et plusieurs facilités pour essayer de se positionner, pour essayer de savoir où est-ce que l'on en est personnellement et comment est-ce que l'on peut essayer de se projeter. On peut toujours essayer de se débrouiller tout seul, mais c'est quand même très difficile, objectivement. Il peut y avoir besoin d'aide extérieure ou alors de compréhension, mais c'est surtout à la base un énorme travail à faire sur soi-même. Il faut déjà accepter de vouloir faire cela. Faire certains choix pour sa vie, on pourrait comparer ça à une partie de poker. Ça veut dire que, au départ, on connaît les règles du jeu. On sait le danger qu'il y a. On sait l'addiction qu'il peut y avoir. Maintenant, c'est simplement savoir est-ce que l'on veut se lancer dans la partie ou pas. Est-ce que vous êtes prêt à vous lancer dans cette partie avec tous les risques qu'il y a? Vous pouvez tout perdre et redescendre très bas, ou alors gagner et arriver sur un but qui vous correspond. Maintenant, c'est à vous de savoir est-ce que vous êtes prêt à vous lancer dans le jeu ou pas. Pour essayer de différencier ces différentes dispositions, on va les faire en deux parties. Dans une première partie, ce sera pour le côté personnel. Et dans une autre partie, ce sera pour le côté professionnel. Tout en sachant que dans certaines catégories, le personnel et le professionnel vont quand même se rejoindre, vu que l'on n'arrive jamais à être complètement différent entre le travail et la vie personnelle, il y a toujours l'un des deux qui balance un petit peu. Donc, pour le côté personnel, on peut déjà essayer de voir et en fait d'analyser ce dont on a besoin. Qu'est-ce qu'il nous faut pour être bien ? À côté de cela, quels sont les freins que l'on peut avoir ? Personnellement, physiquement, psychologiquement. Il ne faut pas hésiter à se faire aider par une aide extérieure, un psychologue ou un psychiatre. Pour beaucoup de personnes, les psychologues ont une image vraiment négative, spécialement pour les personnes malades psychologiquement. Alors qu'un psychologue ou un psychiatre peut simplement servir d'écoute et d'aide pour nous donner des pistes. Il faut aussi prendre le risque d'essayer de sélectionner son entourage. Peut-être qu'autour de nous, sans se rendre compte, il peut y avoir des personnes qui sont négatives pour nos besoins, par rapport à notre vie. Il faut essayer de prendre du recul par rapport à ces personnes-là en se posant la question, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que j'ai besoin d'entourage comme cela pour être bien, pour pouvoir avancer ? Est-ce que si jamais des personnes sont assez négatives par rapport à ma façon d'être et ma vie, est-ce que j'ai besoin d'être avec eux ? Est-ce que je ne peux pas être entouré simplement de personnes bienveillantes ? Les dispositions qu'il peut y avoir, c'est aussi l'acceptation. Ça veut dire l'acceptation que l'on n'est pas parfait. L'acceptation que l'on ait fait des erreurs dans le passé. Mais ces erreurs dans le passé, c'est ce qui nous a construit. C'est ce qui a fait que l'on est devenu ce que l'on est aujourd'hui. Avec tous les excès et les côtés négatifs qu'il peut y avoir, mais c'est grâce au passé que l'on a été construit pour devenir ce que l'on est maintenant. Mais peut-être que justement, c'est cette partie-là, accepter ses erreurs du passé, qui est peut-être la chose la plus compliquée qu'il puisse y avoir. Il y a aussi le fait d'être honnête avec soi-même. Ça veut dire accepter le fait que l'on ne soit pas parfait, que l'on soit loin de tous les critères physiques ou intellectuels de la plupart des personnes de la société. Et ce n'est pas parce que on a un physique différent ou un intellect différent que l'on n'a pas notre place par rapport à la société et par rapport à tout ce qui peut nous entourer. Mais il faut vraiment en avoir conscience et accepter, justement, non pas que les autres soient différents de nous, mais que nous soyons différents des autres. Et c'est vraiment s'accepter soi-même. Mais c'est aussi s'accepter de soi-même dans le sens où on ne vit pas pour les autres, on vit pour soi, pour notre plaisir, en relation avec les autres. Pour réussir à faire cela, je pourrais vous donner deux exemples qui fonctionnent. Maintenant, ça peut paraître bizarre pour certains, mais je sais que ça fonctionne. Réussir à mettre des mots M-O-T-S sur des mots M-A-U-X. Une des choses que je pourrais vous conseiller, c'est d'écrire un journal. Le genre de journal où on marque toutes les semaines ou tous les mois tout ce qui peut nous traverser l'esprit. Tout ce que l'on peut penser, positif ou négatif, mais tout ce que l'on vit sur l'instant. Et quand on relit ça avec du recul, beaucoup plus tard, on arrive justement à retirer le positif même des trucs négatifs. Il peut aussi y avoir le fait d'accepter la situation actuelle pour mieux rebondir dans l'avenir. Et en cela, accepter de faire un bilan de tout ce que l'on a vécu jusque-là, depuis notre majorité jusqu'à l'âge que nous avons maintenant. Essayez de prendre du recul, essayez de regarder, malgré tout le mélange des trucs négatifs que l'on a pu avoir, tous les côtés positifs qu'il y a eu à côté, tout ce qui a fait ce que l'on est devenu aujourd'hui quelqu'un de bien et qui nous a amené sur notre position actuelle. C'est vraiment important qu'à partir du moment où l'on fait une rétrospective de tout ce que l'on a eu, au moins on a un point de départ clair, net et précis par rapport à tout ce que l'on veut pour l'avenir. Pour le côté professionnel, c'est un petit peu les mêmes bases que sur le côté personnel. Il faut simplement prendre conscience que, dans le cadre professionnel, il y a une histoire de hiérarchie et que tout n'est peut-être pas aussi applicable que par rapport au côté personnel, vu que l'on n'est plus vraiment tout seul dans la problématique. Il y a aussi un entourage quotidien par rapport au travail. Un certain type de disposition que l'on peut avoir à portée de main, même si c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, il y a quand même ça à prendre en compte. Si on veut essayer d'évoluer, d'être bien personnellement et psychologiquement dans le cadre du travail. Il y a déjà le fait de faire un bilan de compétences. Pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est en fait lorsque l'on veut changer de carrière, toute entreprise, privée ou publique, peut proposer de faire un bilan de compétences. C'est en fait un espèce de stage ou alors une espèce de formation où en fait pendant un jour ou deux, que ce soit en présentiel ou à distance, on fait une espèce d'analyse par rapport à nos besoins. On passe devant un formateur et un psychologue du travail, ou en fait soit individuellement, ou alors en groupe, on travaille tous ensemble pour essayer de comprendre quels sont nos besoins. Qu'est-ce que l'on veut faire? Qu'est-ce que l'on a besoin? Qu'est-ce que l'on a comme piste au fond de nous pour pouvoir changer de travail et faire un métier qui nous correspond à 100%. Il y a aussi le principe de faire une VAE. VAE, ça veut dire validation des acquis et de l'expérience. Supposons, un employé a fait plusieurs années de bénévolat à côté de son travail. Il peut cumuler toutes ses expériences professionnelles bénévoles et pouvoir se reconvertir et avoir une certification diplômante certifiée nationalement pour avoir un diplôme précis dans le domaine que l'on souhaite. Ce sont vraiment des formations ou des stages qui sont accessibles pour tous les types d'employés, privés ou publics, il faut bien sûr l'accord du patron. Et pourquoi pas simplement faire des formations? Le fait de faire des formations peut aussi nous permettre de nous évader l'esprit, de pouvoir nous changer du quotidien et de tout ce que l'on fait au fur et à mesure où le temps passe dans le cadre professionnel. Pouvoir changer d'activité, même si c'est pendant une journée ou deux, ça peut faire du bien. Simplement le fait de changer d'environnement et de trouver ou de connaître de nouvelles personnes. Chaque employé dans le cadre privé ou public, tout le monde a le droit à des heures de formation par an. Pourquoi pas en profiter? Mais ces exemples-là, c'est vraiment spécifiquement pour les personnes qui voudraient changer de carrière, changer d'emploi. Mais il peut aussi y avoir le fait que l'on se plaise bien dans son boulot, mais il peut y avoir simplement des malaises ponctuels, à des moments précis, avec des collègues de boulot ou avec sa propre hiérarchie. Mais c'est vraiment du ponctuel. Et si jamais à côté de cela, on aime bien notre boulot, pourquoi changer? Mais aussi, il peut y avoir des dispositifs qui ne sont pas obligatoirement sur le long terme si on n'a pas envie de changer de boulot. Ou simplement si c'est l'ambiance, ou si c'est simplement sur du ponctuel, sur des moments précis, mais que l'on aime bien notre travail, autant rester sur le travail, mais qu'à côté de cela, on peut trouver comme disposition, par exemple, ne pas avoir peur de ses propres peurs. Ça veut dire que, par exemple, quelqu'un qui a peur de l'image qu'il donne vis-à-vis de ses collègues de boulot ne doit pas avoir peur de les confronter, de se confronter à eux, de confronter ses propres peurs par rapport à sa façon d'être. Et justement, c'est quelque chose qui peut être encore plus respectable parce que la personne qui a réussi à travailler sur soi pour pouvoir confronter ses propres peurs et pouvoir dire ce qu'il pense ou alors ce qu'elle pense, ça va faire de lui ou d'elle une personne encore plus entière. Il ne faut pas aussi hésiter à faire, peut-être une fois ou deux par mois, des réunions entre collègues de boulot avec la hiérarchie. Au moins pour faire une mise au point par rapport à nos besoins, par rapport à nos ressentis, par rapport aux nouveaux arrivants, par rapport à ce dont il faut pour avoir un équilibre à peu près standard ou normal qui pourrait nous correspondre pour pouvoir travailler dans un cadre qui nous correspond. Et en cela, à partir du moment où, sachant que l'on passe les deux tiers de sa vie au travail, à partir du moment où dans ce cadre-là, on arrive à trouver un équilibre qui nous correspond, on peut commencer à déjà voir l'avenir un petit peu plus optimistiquement plutôt que sur le côté négatif. Après, on sait très bien que ce n'est pas du tout facile obligatoirement parce que quand il y a de la hiérarchie, en parallèle de cela, il faut être réaliste. Dans le sens où on sait bien qu'à partir du moment où il y a des collègues de boulot qui peuvent nous envier et où il y a une hiérarchie qui ne nous suit pas obligatoirement, il faut tout essayer. Est-ce qu'il vaut mieux essayer et se casser la gueule plutôt que ne pas essayer du tout. Et au moins, à partir du moment où la hiérarchie voit que l'on est motivé et que l'on peut apporter des nouvelles idées ou des nouveaux projets pour l'entreprise, en cela, tout cela ne peut être que bénéfique. Mais aussi dans le cadre professionnel, il faut vraiment réussir à se projeter dans l'avenir. Essayer de voir, par rapport à notre situation actuelle, est-ce que l'on est à notre place au sein de cette entreprise ou de cette société ? Est-ce que on n'a peut-être pas quelque chose qui nous attend autre part, plus loin ? Est-ce que on n'est pas prêt à prendre le risque, à gagner un petit peu moins, même pour un confort, mais pour un meilleur équilibre psychologique ? C'est très facile à dire en théorie, mais on sait bien que si jamais il y a des enfants par derrière, c'est peut-être un petit peu moins facile. C'est à ce moment-là où justement notre carrière et notre partie peut arriver sur un jeu qui est risqué. Est-ce que l'on se lance dans la partie avec tous les risques qu'il y a ? Mais pourquoi pas ? Est-ce que cela ne vaut pas le coup de perdre un petit peu de fric, réaménager notre façon de vivre pour un bien-être et une évolution saine ? Et voilà donc, par rapport à ces deux types de dispositions, un regard extérieur que l'on peut avoir par rapport à notre vie actuelle et si jamais on veut essayer de se projeter un petit peu plus dans l'avenir pour notre bien. Et maintenant, dans une troisième partie, nous allons essayer de voir tous les bienfaits qu'il peut y avoir à être optimiste et à essayer de voir le côté positif des choses. Pour beaucoup de personnes, on peut vivre dans un monde de bisounours, mais si ce monde de bisounours pendant quelques temps et un réconfort un petit peu pour nous, pour notre bien. Est-ce que cela ne vaut pas le coup de faire une espèce d'adéquation entre ce qui peut nous entourer et nos rêves et nos envies pour pouvoir évoluer ? Et justement, dans cette troisième partie-là, nous allons essayer de voir un petit peu toutes les perspectives qu'il peut y avoir à partir du moment où l'on est dans un équilibre qui nous correspond. Mais avant d'entamer cette troisième partie et dernière, nous allons nous faire une seconde petite pause musicale. Sky, hello blue. There's nothing can hold me when I hold you. It feels so right, you can't be wrong. Rocking and rolling all week long. Sunday, Monday, happy days. Tuesday, Wednesday, happy days. Thursday, Friday, happy days. Saturday, what a day. Et donc voilà, pour nous souhaiter encore plus de motivation et d'optimisme pour l'avenir, voilà donc le générique des années 70 de la série Happy Days. Et donc alors, pour terminer ce podcast, nous allons donc voir tous les bienfaits et tous les avantages qu'il peut y avoir en étant le plus optimiste possible. On sait très bien que l'on ne le sera jamais à 100%. Ce n'est pas possible. On a tous besoin d'avoir des phases un petit peu de baisse de morale, un petit peu négatif. Mais justement, à partir du moment où l'on va se servir de toutes ces phases négatives pour essayer d'agrandir, d'avancer sur des côtés optimistes, on va arriver sur des points très importants. Ça veut dire que, par rapport au test que l'on a vu, on peut avoir une espérance de vie plus longue. On peut apprécier les gens réellement pour ce qu'ils sont, avec leurs qualités et leurs défauts. On peut aussi réussir à donner un but à sa vie. Si jamais on stagne aujourd'hui, où on se pose plein de questions par rapport à notre être, par rapport à notre façon de travailler, par rapport à notre circonstance de vie d'une manière globale, plus on sera optimiste et plus on va réussir à avancer et à pouvoir se donner un but dans la vie. On peut aussi, le fait d'être optimiste, se trouver un équilibre personnel. Ça veut dire que, par exemple, si on est tout juste nouveau célibataire et que l'on a envie de se rencontrer un homme ou une femme et que l'on est fait pour être en couple, déjà à partir du moment où l'on est bien et à partir du moment où l'on est en phase avec soi-même, avec notre philosophie de vie, notre façon de penser et notre propre acceptation, à partir de ce moment-là, on pourra encore plus plaire aux autres et on pourra encore plus s'ouvrir aux autres. Et justement, le fait d'être optimiste par rapport à nous-mêmes, par rapport à ce que l'on est, on va justement acquérir de la confiance. Être bien et être en phase avec soi-même, ça va nous permettre de pouvoir nous ouvrir aux autres et de pouvoir aller vers les autres un petit peu plus facilement. Sans appréhension, on aura toujours de l'appréhension, on aura toujours un petit peu peur du jugement des autres. Mais à partir du moment où l'on accepte le fait que l'on ne soit pas parfait et que l'on soit entier justement, on peut aller plus facilement vers les autres si on a cette curiosité-là. On ne peut pas rester enfermé, vivre pour nous-mêmes, on a besoin des autres. Donc acceptons-nous nous-mêmes par rapport à notre être et à partir de ce moment-là, on sera prêt à pouvoir s'ouvrir et à aller vers les autres. Et bien sûr, à partir du moment où l'on est optimiste, on ne va pas faire subir aux autres ce que nous, on a subi. Ça veut dire que l'on va éviter d'avoir un jugement sur les autres. On aura toujours une façon de penser en se disant « Bah tiens, peut-être que telle personne est comme ça, telle personne est comme ça. » Mais quand on est en face, on reste comme ça entière avec la personne qui est en face. Pas de jugement, rien. Simplement un échange cordial, sympathique, entre deux entités. Il pourra y avoir des engueulades à un moment, mais c'est pas grave, c'est la vie, ça peut arriver. Mais simplement, les petits épiphénomènes d'engueulade ou de tension, ce n'est rien par rapport au fait que l'on soit deux êtres humains, l'un en face de l'autre, et que l'on peut être entier l'un envers l'autre. Honnête, sincère, pas besoin de mentir, mais simplement, on se cache un petit peu, mais on essaye d'être le plus entier par rapport à la personne qui est en face. Toute la nuance est là, justement. C'est un espèce de petit jeu où, en fait, on garde des choses pour nous, mais on est quand même le plus entier possible par rapport à la personne en face. Et à partir de ce moment-là, la personne, l'homme ou la femme qui est en face de nous, pourra avoir une image d'un être humain qui est entier, honnête et sincère. Et voilà, donc ce podcast est maintenant terminé. Ce podcast spécialement sur le côté optimiste et positif de la vie pour essayer de se donner un nouvel élan, pour essayer d'arriver à concrétiser quelque chose de bien, non pas pour les autres, mais pour soi-même. À partir du moment où vous acceptez que vous soyez imparfait, que vous ayez des défauts, mais qu'il y ait au fond de vous quelque chose qui est vraiment au fond de vous et qui a besoin de sortir pour pouvoir être bien, pour pouvoir être en adéquation et pour pouvoir trouver un équilibre, même si vous savez très bien que vous ne pourrez jamais plaire à tout le monde, déjà, il faut se plaire soi-même. Il faut déjà réussir à accepter le fait que l'on ait des buts, que l'on ait des envies, que l'on ait de la motivation et on est tous amenés à faire quelque chose et à se projeter sur quelque chose de bien. Maintenant, est-ce que vous êtes prêt à jouer le jeu ou pas? Et je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast sur un autre thème.